secondes qui se défilent, les regards qui se taisent, et moi malhabile, un peu mal à l'aise. J'observe le monde et ne sachant que faire, je m'allume une blonde et m'ouvre une bière, et j'entends les bombes de l'autre bout de la terre. Et moi dans ce monde, que puis-je bien faire? Je vais faire saigner les mots et m'envoyer en l'air, m'éloigner des idéaux et de la stratosphère. Je ne veux faire qu'aimer et contempler le ciel pour le voir s'embraser quand on se dit je t'aime. Les pas qui se défilent et les pas sans se taisent, et moi malhabile, un peu mal à l'aise. J'observe le monde et ne sachant que faire, je compte les heures et m'accroche au sourire, mais j'en ai bien peur et j'en ne savais plus rire. Et nous dans ce monde, on a pourtant besoin de rire. Je vais faire saigner les mots et m'envoyer en l'air, m'éloigner des idéaux et de la stratosphère. Je ne veux faire qu'aimer et contempler le ciel pour le voir s'embraser quand on se dit je t'aime. Je vais faire saigner les mots et m'envoyer en l'air, m'éloigner des idéaux et de la stratosphère. Je ne veux faire qu'aimer et contempler le ciel pour le voir s'embraser quand on se dit je t'aime.